se remet en gambette avec Claudie Musette. Revenir au village, c'est une valse. Dépose, on est heureux d'être là, car tous les gens et toutes les choses semblent nous tendre les bras. Revenir au village pour un petit séjour, c'est faire un grand voyage, un voyage d'amour. Revenir au village, revenir au pays, retrouver le visage de tous ces vieux amis, auprès d'un coin de terre, de ses premiers ébats, on a beau dire et faire, on a le cœur qui bat. Revenir au village pour un petit séjour, c'est faire un grand voyage, un voyage d'amour. Revenir au village pour un petit séjour, c'est faire un grand voyage, un voyage d'amour. Il se nomme Fuego et c'est un tango. Dites-moi, le tango, c'est maintenant et puis après, on va gambiller encore une fois. Eh oui, je vous l'avais promis, on va gambiller. Et ces deux gambillages, oh là là, je ne sais pas ce que c'est que ce gambillage, mais en tout cas, c'est sûr que ça va être deux Java. Petite pause, moment de volupté avec la chapelle au clair de lune. <t'en> Manu Blanchet, la fille de la meunière. Le printemps vosgien. Oui, oui, oui, il y a le printemps vosgien et c'est avec Cyril Renaud. Thank you. nos amis savoyards, on ne peut pas les oublier. Ils sont juste à côté. Ils sont juste à côté. C'est le Passo des Savoyards. Avec un grand pas, on traverse les Alpes et on va faire un petit tour du côté de la botte italienne avec une polka qui sera suivie d'une autre polka. Thank you. Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Également sur 102.5. Un petit tour aux quatre coins de la Dordogne. Eh oui, un beau pays, la Dordogne. Corne de l'abondance, offrant ses fruits et ses trésors. C'est parmi les jardins de France, une perle qui vaut de l'or. C'est à la fois Rome et Byzance, Saint-Front planté dans son décor. C'est le pays de mon enfance, je ne sais d'amour aussi fort. Aux quatre temps de la Dordogne, aux quatre saisons de la vie, de la naissance au glas qui cogne, du bord de la coupe à la ligne. Comme font l'île ou la Vézère, le temps s'écoule lentement, creusant son sillon dans la pierre, pour la graine ou l'enterrement. C'est 50 000 ans d'histoire, écrite à même le rocher. C'est le livre de ma mémoire, de ses châteaux, de ses clochers. C'est le plus beau conservatoire, de tradition bien accrochée. C'est le berceau d'un territoire où la bonne fée s'est penchée. désert. Le temps s'écoule lentement, creusant son sillon dans la pierre, pour la graine ou l'enterrement. C'est le petit matin qui fume à l'eau dormante des lavoirs. C'est le vignoble qui s'allume de milliers de jolis miroirs. C'est le festin que l'on parfume des pépites du diamant noir. C'est tout mon regard qui s'embrume d'être l'enfant de ce terroir. Aux quatre temps de la Dordogne, aux quatre saisons de la vie, de la naissance au glas qui cogne, du bord de la coupe à la ligne. Comme font l'île ou la Vézère, le temps s'écoule lentement, creusant son sillon dans la pierre, pour la graine ou l'enterrement. La magie des Andes nous fait aller visiter Naples et la brise napolitaine. Le cœur vagabond, eh bien, si vous avez le cœur vagabond, vous venez de passer une valse et vous allez encore danser une autre valse. Thank you. Muchachito. C'est un tango et c'est pour vous reposer. Sourire les latinos de Santa Cruz à Panama, de Rosario à Cordoba. C'est un tango argentino qu'aurait aimé chanter Tino, mais on est loin de Carlos Gardel et on ne fait plus dans la dentelle. C'est un tango pour chef rebelle qu'il chante aux fameux infidèles. Après avoir joué du couteau sur les trottoirs de Santiago, il aime trop la guérilla, les exploits de Pancho Villa. Il se prend pour un sacré macho alors qu'il n'est qu'un muchacho. On l'appelle El Muchachito car il ressemble à un enfant. Mais dans ses yeux couleur de sang sommeille le roi du couteau. Pour l'étranger un peu gringo, il n'en fait souvent qu'à sa tête et connaît tous les airs de fête. Il chante et danse dans les villages comme tous les garçons de son âge, comme les enfants du voyage. On l'appelle El Muchachito car il ressemble à un enfant. Mais dans ses yeux couleur de sang sommeille le roi du couteau. Pour l'étranger un peu gringo, il n'en fait souvent qu'à sa tête et connaît tous les airs de fête. Il chante et danse dans les villages comme tous les garçons de son âge, comme les enfants du voyage. Les triolets, c'est une tradition, c'est du musette pur et simple. Thank you. Un petit fox pour presque finir cette première partie de l'émission Dimanche Musette. Le ciel bleu d'Espagne ? Eh oui, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Allez, on termine avec. Thank you.

troubadour, il perdit le sommeil doucement, tout doucement. Quand revint le soleil, c'est un refrain de plus qui arrive le jour. Une chanson, c'est peu de choses, mais quand ça se pose au creux d'une oreille, ça reste là, allez savoir pourquoi. Ça n'est souvent maintenant vous savez pourquoi. Voilà, vous le savez le pourquoi. Et puis vous allez, si vous ne la connaissez pas beaucoup, eh bien vous allez l'écouter. Elle s'appelle Amalia Rodriguez et elle va nous chanter La maison sur le port. Il y avait des chansons, les hommes venaient y boire et rêver. Dans la maison sur le port, où les filles riaient fort, où le vent faisait chanter, chanter, chanter. Les pêcheurs vous le diront, ils y venaient sans façon avant de partir tirer leur filet. Ils venaient se réchauffer près de nous, dans la maison sur le port. Les volets se sont ouverts et depuis, les rires des filles se sont envolés. Sous un tube de néon, un fonctionnaire à lorgnon est perdu dans ses papiers, vieux papiers. Où sont les rideaux à fleurs et les lampes de couleur, les cheveux de Maria, ses bras nus. On dirait que tout est mort et bien mort dans la maison sur le port. Je suis revenue une nuit, j'avais cru qu'on y chantait comme avant. Mais les couples qui dansaient n'étaient plus rien à présent que les ombres du passé Vainement je recherchais cette fille que j'étais, qui savait aussi chanter et aimer. Je veux dire que tout est mort et bien mort dans la maison sur le port. Pas sur mes 20 ans que je pleure, bien souvent avec les filles j'ai pleuré. Mais on aurait pu laisser nos chansons dormir en paix, nos chansons et nos amours Je l'ai dit à Maria et aux filles de là-bas, allons boire pour oublier un petit mal, puisque notre cœur est mort et bien mort dans la maison sur le port. Que notre cœur est mort et bien mort dans la maison sur le port. Bob Azam, ah Bob Azam, c'est écrit dans le ciel. C'est pas tout jeune, c'est pas tout vieux, mais c'est ici et c'est sur le 91 de Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous. Que je dois te rencontrer, c'est écrit dans le ciel. Et que je dois t'adorer, c'est écrit dans le ciel. Que je vivrai que pour toi, c'est écrit dans le ciel. Et que tu peux croire en moi, c'est écrit dans le ciel. J'offrirai des bijoux, c'est écrit dans le ciel. Je les prendrai n'importe où, c'est écrit dans le ciel. Tu auras la télévision,

me décide. Je ferme le mur et je tombe dans le vide. Je suis Nathan de Fontaine. Je t'ai vu descendre d'un arc-en-ciel. Je me jette à l'eau des pluies d'été. Je mets du bateau dans mon quartier. Il fait très beau. On peut ramer. La mer est calme. On peut se tirer. Mais tu n'es pas là. Si je rêve, tant pis. Quand tu t'en vas, je dors plus la nuit. Et tu n'es pas là. J'ai envie d'aller là-bas, la fenêtre en face, et visiter ton paradis. Mais tu n'es pas là, non, non. Et tu n'es pas là, et si le rêve t'envie, quand t'es dans l'âme, dans plus les nuits. Je sais pas comment faut que je me rappelle. Et si je rêve d'envie, j'ai attrapé un coup de soleil. Un coup d'amour, un coup de je t'aime. Un coup d'amour, un coup de je t'aime. La la la. La la. André Sylvain, c'est un Canadien que, avec lequel j'ai eu le plaisir eh bien, d'avoir quelques mots au téléphone. Eh oui, il va nous chanter « Loulou ». Loulou était dans son village la plus jolie des alentours. Tous les garçons du voisinage se jalousaient pour lui faire la cour. Son amoureux, un ami de jeunesse, le soir au bal, en la faisant danser, lui murmurait ses mots pleins de tendresse, en la voyant frivole au cœur léger. Je le vois bien, loulou, tu es bien trop jolie pour accepter la vie trop simple de chez nous. Tu aimes les bijoux, la grande vie t'appelle, loulou, tu es. Croyant là-bas, comme un roman, vivre sa vie douce et facile, et rencontrer quelques princes charmants. Mais à quoi bon les bijoux, les toilettes, qu'il faut payer par un baiser menteur? Et tristement, souvent des soirs de fête, un souvenir venait dire en son cœur. Je le vois bien, loulou, tu es bien trop jolie pour accepter la vie trop simple de chez nous. La la la la la la la la la la la la. Loulou,

pense-t-elle quand elle me dit de venir avec mon arme, rendez-vous au paradis. Attention, c'est un piège, les anges ne sautent pas le samedi. Soir en ensemble beige, de chez Courrèges. Dans ses bras je suis prisonnier. J'attends l'heure du jugement dernier. Un ange m'a égratigné près du cœur. Va-t-il m'épargner? Rendez-vous, elle me dit rendez-vous. Cette chanson-là, vous ne pourrez jamais plus l'oublier. Oui, tu ne pourras plus jamais m'oublier. Je t'aimerai. Je te caresserai encore. Je marquerai à tout jamais ton corps. Je te ferai si bien l'amour que tu en frissonneras encore au petit jour. Tu ne pourras jamais m'oublier. J'irai au bout de tes tabous à